Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, l'année se termine. Revoyons ensemble les meilleurs DVD de l'année. Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qu'il aime, une bande de chouettes copains avec lesquels il s'amuse bien et il n'a pas du tout envie que ça change. Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Moi c'est Nicolas. Ma vie elle est chouette. Il faut surtout pas qu'elle change. Redresse. Eux, c'est papa et maman. Redresse. Arrête avec tes redresses, tu me fais perdre tous mes moyens. Ils se disputent souvent. Ne te marie jamais. D'accord. Et avec le patron de papa, c'est pareil. C'est un propos de mon augmentation. Oui, bon, on verra ça plus tard. Et ça, maman, ça l'énerve. Il t'exploite et toi, tu te laisses faire. Très bien. Bah, je vais tout envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, nous partons vivre dans une roulotte. Oh, chouette. Mais un jour, papa et maman n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je vais avoir un petit frère. C'est grand comment, bébé? Comme ça, à peu près. Bah, t'as intérêt à mettre tes joies à ça. C'est foutu, je te dis. Qui peut me raconter l'histoire du petit pousset? Oui, Agnan. Il était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Et si on allait faire une balade en forêt le week-end prochain? Faut que tu faillotes. Comme ça, elle trouvera que t'es très mignon et elle pourra plus t'abandonner. Ouais. Alors, j'ai tout fait pour plaire à maman. Le petit Nicolas, une comédie de Laurent Tirard avec Valérie Lemercier, Kad Merad, un DVD Wildside.